La Maison de l'Astronomie, le monde de l'observation, vous présente les podcasts de Ciel et Espace. Retrouvez toutes nos références en astronomie, nature et globe terrestre sur maison-astronomie.com. Et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace, où Nicolas Copernic a-t-il trouvé l'audace de chasser la Terre de sa place au centre de l'univers? Quel rôle son séjour en Italie a-t-il joué dans sa formation intellectuelle? Et finalement, est-ce un hasard si l'héliocentrisme est né pendant la Renaissance italienne, un printemps des arts comme l'Occident n'en avait pas connu depuis longtemps? L'historien des sciences Bernard Metz, professeur émérite à l'Université de Lille 1, publie un article éclairant à ce propos dans le numéro de mars 2012 de Ciel et Espace, et nous avons souhaité en savoir plus. Bernard Metz, bonjour. Bonjour. Alors, Copernic, on le sait, il a publié sa théorie complète de l'héliocentrisme en 1543 sur son lit de mort à Frombork, hein, sur les rives de la Baltique. Mais ce que l'on oublie parfois, c'est qu'il a aussi vécu en Italie pendant plusieurs années. À quelle période de sa vie ? Oh, il a vécu assez jeune, c'est-à-dire qu'il a eu une formation en mathématiques, en astronomie, dans sa Vurmie natale, et très très vite, il est parti en Italie. Pourquoi ? Parce qu'il avait un oncle évêque, son père était mort, et l'oncle l'a nommé chanoine, dans des conditions qui étaient un petit peu limites, donc il y a eu des réclamations. Les réclamations, ça devait durer un peu longtemps, donc avec le pactole qu'il avait, il est allé en Italie. Alors il est allé en Italie d'abord pour 2 ans. L'histoire de sa nomination comme chanoine, qui lui a apporté beaucoup de revenus, des revenus terriens, de l'administration et tout cela, a été réglé à peu près en un an, mais il a demandé des prolongations, d'abord d'un an, puis après de 2 ans, donc il est resté finalement 5 ans en Italie, et il en est revenu un petit peu transformé. Il avait quel âge quand il est parti ? Oh, je ne sais plus exactement, là, j'ai pas pris mes notes, excusez-moi, mais 25-30 ans au maximum. Donc il est parti pour étudier aussi. Est-ce qu'on peut considérer Copernic comme un étudiant à cette époque-là ? Oui, pour étudier, bien sûr, parce que c'était aussi une longue tradition dans le Moyen-Âge que les étudiants aillent à différentes villes d'Europe. L'Université de Paris était extrêmement célèbre et attirait des étudiants de toute l'Europe. Il en était de même de certaines universités italiennes. Donc oui, il est allé pour faire des études à Bologne, à Padoue, à Ferrare. Et donc il a fréquenté les milieux vraiment qui renouvelaient totalement l'esthétique, la philosophie à cette époque, et une époque qui correspond aussi à la laïcisation des savoirs qui n'étaient plus enfermés dans les universités mais qui venaient à la cour des mécènes. Donc oui, il a passé des diplômes, d'ailleurs pas tous ceux qu'il voulait, et il est revenu ensuite. C'est-à-dire que d'abord il s'est inscrit pour passer des diplômes de droit, et puis après il a été très très attiré par la médecine, et il est allé à Padoue, mais il n'avait plus que 2 ans pour faire des études à Padoue, alors que les études duraient 3 ans, donc il savait en s'inscrivant à Padoue qu'il n'aurait pas son diplôme. Alors pour ne pas rentrer bredouille là-bas en Vurmie, eh bien il est allé à Ferrare pour avoir un diplôme de droit canon vite fait, et en fait il a vécu de ses redevenus de chanoine ensuite, et aussi de médecin. Il a été médecin de son oncle l'évêque, il a été médecin de ses successeurs, et apparemment un médecin très très prisé. Et d'ailleurs, un des 2 autoportraits de Café Copernic, qui sert aux illustrations maintenant qu'on le représente, un de ses autoportraits, il se représente lui-même avec une fleur de lys dans la main, donc le lys, le symbole des médecins, le symbole des guérisseurs. Alors un Copernic qui reste quand même donc 7 ans en Italie, hein, j'ai fait le total de ce que vous nous expliquez dans le numéro de mars de Ciel et Espace. On a un Copernic qui donc n'a pas encore choisi sa voie, enfin un peu le droit, la médecine, l'astronomie. On a un Copernic qui, quand même, enfin, qui est quand même extrêmement intéressé par l'astronomie et qui a suivi des cours d'astronomie en Vurmie. Et on a les cours qu'il a eu. Il n'y a aucune mention de l'héliocentrisme ou de mouvement pythagoricien qui faisait du soleil ou du feu le centre du monde, vraiment un géocentrisme tout à fait conformisme. Mais lorsque il va venir à Bologne, à Padoue, là il va d'une part baigner dans une atmosphère intellectuelle qui est tout autre, et d'autre part être initié à l'astronomie aussi et faire des séjours à l'intérieur de la maison d'un astronome qui lui est vraiment pythagoricien et qui va prôner la place centrale du feu ou du soleil. Alors justement, qu'est-ce qu'on sait, quel témoignage a-t-on de cette période italienne de Copernic ? Alors, on a de multiples témoignages. D'une part, ses inscriptions, des documents qu'il envoie, des lettres qu'il écrit, les séjours qu'il fait chez cet astronome. Il y a quand même une bonne information. Et il va rédiger tout de suite, en rentrant en Vurmie, un commentariolibus, un petit commentaire, qui est finalement l'essai de son De Revolutionibus qui paraîtra très tardivement. On ne sait pas s'il l'a tenu. La légende veut qu'il l'ait tenu sur son lit de mort, mais en fait, bon, on ne sait pas s'il l'a eu ou pas. Alors, c'est vraiment... Il ne l'a peut-être jamais lu. Oui, il l'a peut-être jamais eu entre les mains. Entre les mains, oui. Ça se joue à 15 jours près. Donc, en tout cas, son petit commentaire circule dans toute l'Europe. Il n'est pas aussi développé que ne le sera le De Revolutionibus, mais il teste déjà ses idées, et ses idées sont connues par l'intermédiaire de ce petit commentaire rédigé quand même très tôt. Il a circulé pendant une vingtaine d'années, hein, avant. Donc il ne faut pas dire que Copernic a eu une seule œuvre dans sa vie, le De Revolutionibus, qui ensuite est une œuvre presque posthume ou posthume. Non, les idées de Copernic ont été discutées en Europe. D'ailleurs, c'est pendant le vivant de Copernic que s'est manifesté le seul opposant de son vivant ou même initial, qui était Martin Luther, dans les propos de table, qui parle de Copernic. Il cite pas son nom d'ailleurs, il dit: il existe là-bas en Vurmie un astronome qui veut mettre l'art de l'astronomie à l'envers. Bon, enfin, vous voyez, donc, et avec une moquerie très appuyée, ça aurait pu aller plus loin. Ça aurait pu aller plus loin, surtout à cette époque qui était une époque assez troublée du point de vue de la religion et Oui, c'est exactement, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est exactement la période, j'ai cité Martin Luther, donc c'est la période de la réforme et de la contre-réforme. La contre-réforme et le De Revolutionibus sont tout à fait contemporains. Alors évidemment, qu'est-ce qui se passe ? La réforme veut, contre les dérives séculières de la papauté, contre la vente des indulgences pour payer en grande partie Saint-Pierre de Rome et tout cela, eh bien, veut retourner aux textes initiaux, au texte littéral de la Bible et des évangiles. Donc il y a trois grands courants qui se font. Il y a Martin Luther, il y a Mélenchon et il y a Calvin, évidemment. Mais tous les trois sont pour un retour aux textes littéral, initiaux. Vraiment, littéral, ouais. Alors en enlevant ce qu'ils appellent des scories, c'est-à-dire la sainteté, le pouvoir du pape, revenir dans une religion qui est beaucoup plus intériorisée, et voilà le protestantisme. Et le protestantisme gagne et va gagner aussi avec Henri VIII l'anglicanisme, l'Angleterre. Donc il y a des grosses difficultés pour l'Église catholique, qui décide donc de se lancer dans le Concile de Trente, un Concile de Trente qui va durer 5 ou 6 ans, un Concile de Trente qui initialement est convoqué pour réconcilier la chrétienté et qui va en arriver avec un problème de réorganisation de la papauté. Alors, une réorganisation qui est extrêmement nette. D'abord, retour évidemment au dogme et à l'écriture. Donc, l'écriture sensu stricto, ça c'est la première chose. Les dogmes, ce sont les écritures, les enseignements des pères de l'Église, la tradition, les décisions des différents conciles. Et donc, on se sépare évidemment des protestants. Mais une grosse réorganisation aussi, parce qu'il va y avoir une éducation qui va être lancée, qui va être confiée aux jésuites, qui est un ordre qui a été créé un peu avant par Ignace de Loyola, qui organisait selon le système militaire. Et ce sont les jésuites qui ont inventé le système de classe, du passage en classe supérieure, des avertissements, des félicitations, des récompenses et tout cela. Un système qu'on a... Qui nous a poursuivi longtemps, qui nous poursuit toujours. Oui, tout à fait, c'est eux qui ont inventé ça. Et avec quoi ? Eh bien, on va enseigner les hommes de tous les pays et de tous les temps, Démosthène, Cicéron, on va pas les remettre dans les contextes, on va voir des extraits qui vont montrer que finalement il y a une continuité de la culture en picorant un petit peu à tout. Et puis il va y avoir un art sacré qui va être lancé par le Concile de Trente, ça va être l'art baroque, et on va rétablir les saints comme intercesseurs. Donc vous voyez, les protestants, les catholiques s'appuient sur le sens littéral de l'Église et des Écritures. Et le sens littéral des Écritures, c'est quoi ? Eh bien, par exemple, dans la Bible, il est dit que Josué, sur conseil de Dieu, a arrêté le soleil pour pouvoir vaincre les ennemis. Donc, s'il a arrêté le soleil, c'est que le soleil bougeait et tournait autour de la terre. Donc, dire le contraire, dire qu'il est fixe, c'est contredire l'Esprit sacré. Et ça va être opposé aussi bien plus tard à Galilée. Donc beaucoup de discussions, on comprend une crispation finalement des églises à cette époque-là sur le sens littéral de la Bible. Alors effectivement, Copernic, dans ce contexte, dirait bien non, c'est le soleil qui est au centre de l'univers. Ça posera problème par la suite. Mais revenons à ces années de formation intellectuelle, disons. Donc on est au tout début du XVIe siècle, à la fin du XVe, début du XVIe siècle. Copernic vit à Bologne, Padoue, séjourne à Rome. Est-ce que vous pouvez nous décrire le climat intellectuel de ces villes, oui, à cette époque-là ? Alors là, on est d'abord dans des lieux qui n'ont pas été touchés par la Réforme et qui vont l'être énormément par la contre-réforme, mais on est avant, on est à la fin du XVe siècle, on est au début du XVIe siècle, c'est-à-dire que nous sommes dans une période de la haute Renaissance, et cette période qui est caractérisée par, je vous l'ai dit, la laïcisation des savoirs, c'est-à-dire que les savoirs dans l'Occident chrétien étaient détenus par les clercs, et l'essentiel des savoirs, c'était, après avoir s'être approprié les connaissances de la science en pays d'islam, c'était de faire une concordance entre la foi et la raison. On s'installait dans la foi et on voulait faire une concordance entre la foi et la raison. Alors ces concordances entre la foi et la raison ont été extrêmement diverses au cours des 13e, 14e siècles, des voies extrêmement diverses qui ont été employées avec des franches engueulades entre les tenants. Mais il fallait toujours faire la concordance entre la foi et la raison. Et à partir de Dante, surtout, et de Il Convivio, qui est le banquet, le premier manifeste humaniste qu'il puisse y avoir, d'une part, on va commencer à utiliser les langues vernaculaires, et d'autre part, eh bien, il va y avoir des intellectuels, des artistes, des artisans qui vont vivre à la cour des mécènes. Et la cour des mécènes, les mécènes qui tiennent leur richesse du commerce, de l'artisanat, de la manufacture et tout ça, va s'entourer d'artisans, de commerçants, de philosophes, de peintres, d'architectes, de savants aussi, et il y a une laïcisation du savoir. Et là, Aristote, Aristote qui est enseigné dans les universités est un peu dépassé par la masse d'informations nouvelles qui nous vient par, d'une part, l'Amérique, la conquête de l'Amérique, l'augmentation des dimensions du monde, changement dans les habitudes aussi, parce que les manuscrits et les bibliothèques sont remplacés par le livre, diffusion du livre. Qui a un rôle important. Tout à fait, bien sûr, l'imprimerie va avoir un rôle important. Et pour dépasser Aristote, tout est possible. On décline le jeu des possibles, c'est-à-dire que, eh bien, on se penche vers l'astrologie, l'alchimie, le pythagorisme, le platonisme, donc des courants qui sont anti-aristotéliciens, pour dépasser Aristote. Tout est possible, et donc tout est exploré. Et quand ça marche, eh bien, ça marche. Et c'est dans ce tout est possible que vont être explorés, par exemple, l'astrologie et le mysticisme par Kepler un peu plus tard, mais aussi, eh bien, les mouvements pythagoriciens et platoniciens. Or, on sait que Héraclite du Pont, Aristarque de Samos sont traduits et sont imprimés à l'époque de Copernic en Italie. On n'a pas de traces directes de sa lecture, mais il fait lui-même des références dans son De Revolutionibus, donc il les connaît. Il les a lus. D'autre part, l'astronome qui l'héberge pendant tout un temps, eh bien, va prôner une place centrale pour le Soleil, pas aussi développée évidemment que va le faire Copernic. Et surtout, il y a un nouvel univers esthétique qui est en train de se mettre en place, et cet univers esthétique qui est représenté par l'architecture, qui est représentée par la sculpture et qui est représentée par la peinture, mais aussi par la poésie, mais aussi par la littérature, eh bien, là, Copernic vit en plein dedans, parce qu'il ne va pas à l'université, il va fréquenter ses courants à Bologne, à Padoue et à Ferrare. Il va à la cour des mécènes, il est présent dans ces cercles-là. Il est présent dans ces cercles-là.